Chapitre 2e. Décapité. Cette tête avait été évidemment embaumée, et par des procédés si parfaits, qu'elle présentait l'absolue apparence de la vie. Le teint était rosé comme si le sang eût encore circulé dans les veines. Cet homme était joli, avec une expression de douceur et de bonté qui commandait la sympathie. Le nez était légèrement aquilin, la bouche bien dessinée et un peu charnue. Le menton peu saillant dénotait un manque d'énergie ou un excès de confiance. Mes deux caractères principaux complétaient et accentuaient la beauté de cette quasi-vivante qui était morte. C'était d'abord une abondante chevelure brune qui avait conservé tout son éclat, toute sa souplesse, et où la sève semblait encore monter. Puis deux yeux à demi voilés sous les paupières dont des cils admirables ombrageaient les bords, d'un regard si doux, si bon et en même temps si parlant, qu'on aurait juré qu'ils allaient s'ouvrir tout à fait et vous regarder en face. Fouinard s'était vivement penché en avant, croyant d'abord à une effigie de rire, mais il se redressa vivement. « Cette tête a appartenu à un corps vivant, » cria-t-il. « Quelle fut cette femme ?»« C'était la mienne, » répondit l'inconnu. « Ma chère et bien-aimée Lucile. »« Voyons, voyons, » reprit Fouinard en le regardant en face. « Que signifie cela ?»« Je dois d'abord vous avertir d'un point important. Si vous avez commis un crime, ne croyez pas que je reste l'auditeur bénévole de votre confession. » Et que je me trouve lié par la promesse de discrétion que vous m'avez arrachée. Je ne me reconnaîtrai pas le droit de garder ce secret, et je vous dénoncerai à qui de droit. Et d'abord, qui êtes-vous ? Très nettement, l'autre répondit, « Je m'appelle le docteur Tozan, le célèbre chirurgien, très connu en effet. » Alors cette tête de femme serait une de ces pièces anatomiques qu'on prépare dans les hôpitaux ? Non, je vous l'ai dit, c'est la tête de celle qui, vivante, portait mon nom. Je tiens à vous affirmer tout d'abord que je n'ai commis aucun crime. J'ai évidemment contrevenu à la loi, mais dans des conditions si excusables que mon ami le préfet m'a écouté et m'a compris sans m'adresser de reproches graves. Je m'explique d'ailleurs. Après 5 années d'une union, qui fut pour moi toute de bonheur, Lucile, ma femme, mourut subitement. Un matin, sa femme de chambre la trouva inanimée dans son lit. La veille, nous avions passé la soirée à l'opéra avec sa cousine Berthe. Comme nous demeurons à la campagne, au Perreux, mon auto nous avait ramenés vers 1 heure du matin. J'avais à travailler, je laissais ma femme seule et passais une partie de la nuit dans mon cabinet, qui n'est séparé de la chambre à coucher que par une sorte de salon-bibliothèque. Rien n'attira mon attention, ni plainte, ni appel. Ne voulant pas la réveiller, je me jetai sur le lit que j'ai fait dresser pour ces circonstances dans un cabinet attenant à mon bureau, et je dormis profondément jusqu'à 7 heures. La suite et l'horrible péripétie de ce drame vous expliqueront pourquoi je vous donne tous ces détails. Cette mort, subite, inexplicable, me plongea dans un affreux désespoir. Les voisins, les domestiques, tous ceux qui l'approchaient adoraient cette créature d'élite. Si bonne, si intelligente et si belle, vous en pouvez juger. Mes confrères, accourus à mon appel, diagnostiquèrent une embolie. Un de ces accidents de circulation qui ne peuvent être prévus ni conjurés. L'irréparable était accompli. Le docteur eut une sorte de spasme et s'arrêta. Fouinard l'avait écouté avec attention. Ses petits yeux noirs avaient pris cette fixité qui prouvait le travail intime du cerveau. Tout à coup il dit « Permettez-moi d'achever votre récit. Dans votre douleur, et pour encore une fois retrouver l'illusion du passé, vous voulûtes passer seul avec votre chère morte la dernière nuit. Oui, oui, c'est bien cela. Et ce fut pendant cette nuit douloureuse qu'une idée, à la fois passionnée et sacrilège, traversa votre cerveau. Vous avez conçu le dessein de voler la mort, ou plutôt la tombe. Vous avez voulu garder à jamais auprès de vous la tête, le visage, les cheveux, le regard, le sourire de celle que vous aviez tant aimée. Oui, oui. Et le grand chirurgien que vous êtes opéra la section du cou et des vertèbres. Par un subterfuge quelconque, nul ne s'aperçut de la décapitation du cadavre, qui fut enterré. Mais vous aviez conservé la tête, que vous avez embaumée avec toute la science consommée du chimiste. Cette tête, voilà 2 ans que vous la conservez chez vous, dans quelques meubles secrets de votre cabinet. Et parfois seul, vous contemplez en amant passionné les traits de celle qui fut le bonheur de votre vie. « Oui, oui !» fit le docteur en éclatant en sanglots. « Je comprends l'indulgence de monsieur le préfet vous a donné le témoignage, en ne vous rappelant qu'avec modération le délit que vous avez commis. Mais ce que je comprends moins, je vous l'avoue, c'est pourquoi, après 2 années, vous vous êtes décidé à cet aveu. Et pourquoi enfin vous avez apporté cette relique douloureuse ici en me demandant mon concours ? C'est ce que je vais vous expliquer, dit le chirurgien en reprenant, par un effort vigoureux, possession de lui-même. C'est qu'il y a 3 jours, j'ai acquis la preuve, preuve sinistre, indéniable, que ma pauvre femme, ma Lucille, avait été assassinée.